strangeness of words, how the meaning keeps changing, but somehow the beauty will find you. Que certains auditeurs et auditrices se demandent qu'est-ce que c'est que ce sublime album? On peut pas tout connaître, là. Ça prend des fouineux, ça prend des curieux, ça prend des gens qui tombent dessus à un moment donné de leur existence. Bon, ça vient pas de même, là. Mais ça peut être le hasard. Quoique je crois pas trop au hasard. Bon, c'est pour les gens qui me connaissent un peu, là, depuis que je fais une émission, ça fait. Donc, je vais vous dire, ma voûte au trésor. Ma boîte de Pandore, c'est la chanteuse s'appelle Saint-Vincent. C'est pas un groupe, là, c'est une chanteuse, Saint-Vincent. Et c'est une collaboration avec David Byrne. L'incroyable David Byrne, mesdames et messieurs, David Byrne. Heureusement, je ne l'annonce pas, hein, en spectacle, ça ne ferait pas fureur. Et puis Saint-Vincent, c'est une demoiselle assez, même très underground. C'est pour ça que je l'adore. C'est une prime abord, c'est ce qui me fait choisir un artiste. C'est parce qu'il n'est pas comme tous les autres. T'entendras pas ça à Radio Mix. Ah non, Radio Mix, là, ça a de la misère à faire chanter une chanson par-dessus l'autre quand c'est pas dans les 8-9 heures qui suivent. Je m'explique. Si tu l'as pas entendu 5-6 fois à Radio Mix, c'est parce que tu n'as pas ouvert ta Radio Mix. C'est sans doute, ça fonctionne à cassette, cette affaire-là. Là. Comme plusieurs radios commerciales. Ah, ça, ouais, exactement. Tu l'as entendu? Puis là, tu te dis, auditeur, auditrice, « Oh non, j'ai manqué ma chanson. » Non, faites-vous-en pas, ça va repasser pendant la journée. 4-5 fois. Sinon plus, c'est affinité. C'est de la cruauté mentale. C'est pas un succès, man, mais si ça fonctionne à Radio Mix, on va te la faire jouer tellement que ça va rentrer dans ta tête. Tu pourras plus rien faire pénétrer à l'intérieur. Ça va comme te visser une mixture. Vous savez, moi, j'ai visité en Europe, je sais pas où. Je m'en souviens plus, c'est en 92. C'était le musée des... comment vous appelez ça? Le musée des tortures. Est-ce que c'est à Dublin? Peut-être en France. Alors, et il y a une chaise qui existe, là, un peu comme une toilette, mais que tu visses par l'intérieur, fait que la vis monte. C'est tortant, ça fait mal, hein? Vous souffrez en même temps? Si t'en as pas de trou de pète, on va t'en faire un, mon petit champion! C'est un peu ça, là, Radio Mix, mais c'est vers le haut. On va te rentrer ça de la musique, là, puis... Non! Ton bobo d'assin, tu l'aimes, ton bobo d'assin, là? Véran. On va te la faire jouer, In Vitam Popperman, tellement souvent que tu, à un moment donné, là, quand tu fais, c'est pas les cocottes minutes, mais vous savez, des trucs à la vapeur, là, puis à l'époque, je sais pas si ça fonctionne encore, là, ça pouvait exploser n'importe quand, dépendamment si t'avais bien vissé le truc. Tu sais, ça faisait un petit... Puis là, ça commençait à monter. Pouf! Fais attention, tu te sauvais. Tu disais aux enfants, allez-vous-en, les enfants! Il va se prendre la cocotte, va péter! C'est pas une cocotte, mais en tout cas, ça va péter! À droite, à gauche, en dehors, allez, ça va péter! C'est pire que la nucléaire! On sait pas ce qui va arriver, les enfants, en dessous de la table! On dit tout le temps s'il y a des alertes, des tremblements de terre, de se placer autour d'une table. Placez-vous en dessous d'une table! Il se passe des affaires à soir! Attention, les enfants! Et monsieur, madame Thibodeau est là avec son prie-dieu, là, ça, ouais, c'est, elle compte ses garnottes. Je vous salue, elle change de garnotte à chaque fois, hein. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Un chapelet! Elle fait sa garnotte, elle tourne la garnotte de garnotte en garnotte des fois, hein. Elle ne se souvient plus parce que elle souffre d'un syndrome là, qu'on appelle le cancer de la mémoire. Fait qu'elle elle reprend, c'est plus, c'est rendu à Garnotte 17, mais là, je vous salue, Marie, je vous salue, Marie. Et puis là, à un moment donné, il y a là ma tante, attention, la cocotte, la cocotte, hein, monsieur. Pas facile, là. T'es là, dans ce domicile, avec cette famille, comme toutes les familles au Québec. Attention! Non, mais il y en a-tu de la famille de même au Québec? Il y en a, mais même pas juste au Québec. Tu t'en vas à Paris-France. Paris-France. C'est pas le nom d'une personne. Ben, ça pourrait être le nom de Paris-France. Le nom d'une chanteuse Paris-France, ce serait sublime. Elle serait déjà cataloguée. Pas compliqué. C'est simple. Tout est dit. Alors voici ce soir... de Paris-France, Paris-France! Ouais. C'est comme redondant. Elle devrait s'appeler France-Paris. Ou France-Paris. Alors, de Paris-France, France-Paris! Attention! Ça va pas sauter! Attention! Non, mais écoutez. Ça peut arriver n'importe quand. Ta soupape toi-même, t'écoutes la radio. Attention, il y a quelque chose, attention! J'ai jamais entendu ça. Est-ce que, comment elle s'appelle? Saint-Vincent, David Byrne. Elle s'appelle David Byrne. Mais non. David Byrne, c'est une collaboration. C'est un album de Saint-Vincent. Et elle l'a appelé. Elle n'était pas gênée, elle, là, Saint-Vincent. Pour s'appeler Saint-Vincent, il ne faut pas du tout... Je pourrais vous trouver son véritable nom. Attendez un peu. On va décrocher le micro. On va se placer parce que moi, mon ordinateur est derrière le micro. Donc là, ma corde d'écouteur n'est pas assez longue. OK. Là, j'ai envoyé des affaires à... Oui, je me demandais pourquoi je ne recevais pas de réponse. Ah, d'accord, je ne sais pas encore. Se pose-tu des affaires dans le monde? Et puis, là, tu ne l'as pas rencontré. Bon, oh, c'est pas grave, ça. Alors, ben, c'est pas grave. C'est très grave. Si mes courriers rentrent plus loin, mon Seigneur. Saint-Vincent. Puis, on va dire que c'est une chanteuse, OK? Chanteuse. Ça, je fais ça sur Google, là. Chanteuse. Chanteuse. Vincent, chanteuse, Youplou. Avec... Kristen Stewart. Ah, ouais. OK. Bon, là, on va aller... Ah, je la vois. Ouais. Ça, c'est mon... Ouais. Alors, donc, c'est... elle est également... Ah, OK. Bon. Annie... Oui, elle a deux noms. C'est Saint-Vincent ou Annie Clark. Ou Clark. Mais Clark, je préfère Clark. Si tu t'arrêtes pas, là, hein, tu vas avoir une Clark. Non, c'est une Clark. Oh, une Clark! Donc, Annie Clark, connue également sous le pseudonyme de Saint-Vincent, est une auteure, compositrice, interprète américaine, née en 1982 à Tulsa, à l'Oklahoma. À l'Oklahoma. En Oklahoma, adieu Annie, les anges semblent s'en baiser, de compagnie de retour. Annie Clark, je t'aime. Annie Clark, c'est là. Ah, baissez vos tympans. Mettez des bouchons. Annie Clark, je t'aime. Mais quand tu mets de l'écho, ça va mieux. Annie Clark, je t'aime. Non, c'est pas mieux, hein? C'est pas mieux. Non, je l'ai pris trop basse. Je l'ai pris en dessous de la garlotte. Il faut jamais. Et puis, en tant que guitariste, elle officie d'abord au sein des Polyphonic Spring, puis dans le groupe de Sun John Stevens, avec sa tournée en 2006, tout le monde s'en souvient. Elle se fait connaître en France, et bien sûr, hein, assurément, notamment, les premières parties du groupe, comme connue mondialement, en Europe, Arcade Fire, et ou Giu-Giu, X-I-U, Giu-Giu. Kate Bush, hein, bon, croisant l'influence, bon, on dit Kate Bush, c'est vrai que ça non, je crois, non, elle n'a pas la voix de Kate Bush, mais c'est une fille qui chante, on pourrait dire aussi Patti Smith. Mais il reste que c'est une chanteuse sublime, extraordinaire, intéressante. Discographie, ben écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 albums, 6 disques, dont le dernier en liste qui s'appelle Mass Addiction. Oh yeah, bébé. Oh yeah, bébé. Mass Addiction. Oh yeah, bébé. On est trop. All my dreams fulfilled. Il est parti. Oh my darling, I love you, baby, I know that it's weird. Love me tender, love me through. Oh, my dreams fulfilled. Oh, my darling, woo, I love you. Grand succès. Je suis rouge comme une tomate actuellement. Ça soit la palpitation, c'est 155. Le CV arrive, là. Je la sens, là, ça passera pas. Moi, je prends des aspirines au souper, au déjeuner, puis au petit déjeuner, et puis au dîner. Donc, 4 aspirines. Saviez-vous que le souper... Non, mais on parle, là. On parle, ben on parle. On essaie de parler, on essaie de comme disait mon père, de dialoguer. On essaie de dialoguer. Mais lui, il disait dialoguer, mais c'était sa façon de dire dialoguer, là. Il y a plusieurs niveaux de dialogage. Dialogage. Non, non, madame, je le sais, Université Laval, il y a plusieurs façons d'émettre le dialogue. D'émettre le dialogue. Oui, avez-vous senti le frein? C'est un frein intellectuel, moi. J'ai aussi le bouton qui part, là. Tu sais pas où ça part, mais ça part, puis ça retient absolument rien. Quand on dit, comme pas le FBI, mais le F1, TF1, non, ça, c'est la télévision. Voyons donc, les courses de voitures. France 1, France 2, TF1. Voyons donc, oui, les voitures, vous le savez, je sais. Vous fatiguez à ma place, hein? Les Formule 1, Formule 1, Formule 1. Bon, les Formule 1, quand ça part, ça ne s'arrête plus. Il y en a qui sont morts, là, en Formule 1. Certains, là, ceux qui ont calé, puis qui ont rétrogradé ou qui se sont dégradés, ils sont dit, moi, écoute, sérieusement, là. Ah, moi, je suis sérieux, sérieusement, je préfère la Formule 2. Ah, la Formule 2, puis même la Formule 3. Puis je m'enligne, moi, là, je m'enligne. C'est la Formule 10. Non, se rendre à la fin, moi, j'ai rien contre de se rendre à la fin. Mais vivant, moi, me rendre mort, là. Oh, mon doux Seigneur. Hey, la mort est un... Faut passer par là, mais pas par la mort. Ben oui, faut passer par la mort sans nous mourir. Je m'explique. Moi, ça paraît bizarre, madame, ce soir. Mais toutes les émissions sont de même. C'est pas plus bizarre que la semaine dernière, là. Peut-être un peu plus, mais je pourrais vous dire pourquoi. Voulez-vous que je vous le dise? Je vous le dirai pas. Mais non, c'est que l'endroit actuellement, il n'y a personne. Donc, je dérange personne. C'est pour ça que je peux crier, chanter. Règle générale, lorsque j'anime mon émission, c'est peuplé, là. Je reste dans une maison... Mais je ne suis pas seul. Et là, j'ai la chance pendant 6 jours d'être seul. Donc, j'ai décidé de faire des émissions seul. C'est pour ça que je peux crier, chanter. Puis c'est ça. Ça ne peut pas autrement. C'est ça. Alors, Combien saucissi, saucissi? On le dit. Formule 1, Formule 10. Mieux vaut arriver en Formule 10 vivant qu'en Formule 1 mort. Puis l'industrie de la mort, c'est payant en saint, s'il vous plaît, d'Amérique du Nord. Vraiment, là, Amérique du Nord, là, tournée vers le Québec, là. Oh, pauvre que c'est payant. Tu fais tes arrangements, là, tu dis, hey, moi, je me suis arrangé pour que mes enfants, là, ça coûte rien pour mes enfants, là. Hein, j'ai tout acheté, moi, là, du tombeau à la brûler, mon corps, ton corps, d'accord, ok. D'accord, c'est ça, là, tout puissant, créateur de l'esprit et du dialogue et de l'intelligence, quelquefois, pas tout le temps, pas toujours. Non, il y a des corps qui n'ont pas d'intelligence. On peut y nommer, ça ne me dérange pas, moi, j'ai des noms à donner. Oui, moi, je ne suis pas gêné, moi. Jamais été gêné pour parler de cruauté intellectuelle auprès des sans matières grises. Puis là, sans matière grise, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 100, là. C'est 100, S-A-N-S, il n'y en a pas. Zéro matière grise, c'est mort. Tu mets bien beau creuser. Félix disait, écoute, là, c'est bien le puits, quand tu vas puiser à chaque fois dans la création. Mais lui, il disait pas ça à la création, là, c'est une métaphore que j'ai compris là-dedans, moi, là. C'est juste moi qui comprends ça, sans doute, là, mais je m'en fous. C'est ma compréhension. Quand tu essaies de puiser et qu'il n'y a plus rien, là, arrête. Arrête, parce que quand tu vas chercher l'eau, ben tu vas prendre de la roche. Pas de l'âge, mais de la roche. Du sable. Alors t'attends. C'est comme la tarte tatin, t'attends que l'eau remonte. Tranquillement. Pas pressé, là. Pas pressé. L'émission dure 2 heures. Puis maintenant, là, on est déjà à 26 minutes, là, mais c'est pas important non plus. Quand on va défoncer, on est relax. Attends que l'eau remonte. Remonte. Et là, lorsque tu vas prendre ton seau, pas moi, là, moi je sais que je suis un seau. Un saucisson tranché mince, mais un seau pour puiser de l'eau. Quand tu vas prendre ton seau pour puiser de l'eau, je viens de le dire, j'ai volé le punch avant. Moi, je suis pas un voleur de... Moi, je vous prépare. J'aime ça vous préparer. Quand je fais un repas, ça sonne, même si c'est pour 20 heures, puis les gens arrivent à 14 heures, la table est préparée. Fait que j'ai pas tout le tracas de dire « Ah, il faut pas que j'oublie, c'est que tout est là. » Sauf la bouffe, là. La bouffe, normalement, mijote ou se prépare lentement ou tout est prêt pour la grillade. En tout cas, il n'y a pas trop de problèmes. Fait que je peux être avec mes invités, rigoler, chanter, avoir du plaisir. Puis pendant ce temps-là, tout est prêt. Sauf, il reste juste... Voilà, madame, c'est ça. Donc, le seau, tu le prends, tu l'imbibes d'eau, tu le remontes et tu te rends compte qu'il n'y a pas de sable. Voilà. C'est ça la création. Quand il n'y a plus rien qui se passe, arrête-toi. Ou quand tu sens que tu fais du surplace, arrête. Il n'y en a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Et ça, là, le gars qui dit ça, c'est Monsieur Optimiste. Il n'y en a pas de problème. Non, moi, t'as dit, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Mais on va te raconter ma petite histoire de vie. 1999, j'étais avec ma charmante épouse, Clara Tremblay. Clara Tremblay, belle comme un cœur, au niveau du cœur, et au niveau de l'esprit, et au niveau du corps. Parce que moi, quand je trouve quelqu'un que l'intérieur est beau, étrangement, ou peut-être pas étrangement, mais selon moi, en tout cas, ça se régénère en beauté extérieure. Quand t'es belle à l'intérieur, t'es belle à l'extérieur. Et c'est comme ça que ma future épouse est devenue mon épouse. Et puis en plus, elle a tellement été mon épouse qu'elle s'est poussée. Elle n'avait pas de poussette, pas d'enfant. Moi, je voulais pas avoir d'enfant. Je pouvais pas en avoir. J'ai eu un problème. Un petit problème. Ça dépend du problème, hein, mais dans les petits pots, les meilleurs sanguins, M. Tremblay. Vous riez pas parce que vous la placez en arrière de l'oreille, puis à l'Halloween, là, vous faites la pompe. La pompe à essence. Pas parce que vous mettez ça, comme disait Coluche, derrière l'oreille, puis vous faites non. Dans les petits pots, les meilleurs onguents. Je prêche pas pour ma paroisse, j'ai rien à prêcher, moi. Je suis un prêcheur heureux. Pas un prêcheur, M. Thibodeau, c'est pêcheur. Prêcheur. Prêcheur, parce que quand il fait chaud, c'est bien d'avoir un peu de prêcheur. C'est fraîcheur, M. Tremblay. Hey, arrête de me remettre, de me débaptiser. J'ai juste un nom puis un prénom. Puis là, si je te le dis, parce que je vois l'affiche devant moi, c'est Tony Bennett. Je m'appelle Tony Bennett. Mais voyons donc, Tony Bennett, c'est pas un Américain. Tony Bennett. Il n'y a pas juste un chien qui s'appelle Fido. Moi, c'est Tony Bennett, de Québec. Ville de Québec, qui a vécu dans le Vieux-Québec pendant 58 ans. J'ai déménagé hier au soir, m'a dit pourquoi. On veut pas le savoir. M'a te le dire quand même pourquoi j'ai déménagé. M'a te le dire, moi, là, hey, attends, bah. Toi, là, des affaires de même, moi, non, mais je connais ça, des hypocrites de même, là. Qui disent, on veut rien savoir. Non, m'a te le dire. Moi, Tony Bennett. Pas le chanteur, moi. Saviez-vous? Non, je sais pas. Voulez-vous savoir? Non. On veut rien savoir. Non, mais vous allez le savoir quand même. Moi, des insignifiants comme toi, j'envoie ça dans l'autruche. Pas dans l'autruche, dans l'autruche. Mais quoi que dans l'autruche? Puis c'est pas vrai de dire que les autruches mettent la tête dans le sable. C'est pas vrai, ça. C'est un mythe. C'est pas vrai. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est pas vrai. Bon. Moi, Tony Bennett, je vous l'ai dit, je m'appelais Tony Bennett. Pas fait d'excès de la musique, moi, là. Moi, je cirais de la chaussure, mais de la belle chaussure. Quand quelqu'un un petit crotté, qui dit « Hey, peux-tu m'amener de me filmer? » Pardon? Exprime-toi clairement. Non, mais les chaussures. Il y a qui? Les chaussures. Je comprends pas. Articule. Articule. Ben oui, mais écoute, t'as une langue. J'en ai une. Utilise-la autrement. Va dans les cours de théâtre. Va t'exprimer. Va dans les sentiers du langage et reviens-moi. Non, reviens-moi. Mets ça dehors, Gaëtan. Mais Gaëtan, moi. Hey, je sais que ça fait effronter un peu. Mais hey, parce que là, je suis comme dans le hey, là. Je veux pas qu'il y ait des gens comme ça qui obstruent mon existence. Puis là, j'ai mon beau-frère qui avait pas trop de travail. Il avait un travail, mais pas trop. Tu sais, c'était le genre à travailler, mais dans le pas trop. Mais moi, puis il est carré quand même, monsieur. Il est là, quand tu dis le tasse, là, il prend son doigt, pfiou, il revole. Fait que moi, Tony Bennett, saviez-vous que je m'appelais Tony Bennett? Non, hein, c'est nouveau. Aimeriez-vous entendre un peu de musique? Non, on continue. Parce que moi, chose. Oui, Blue Sweet Shoes, c'est pas moi, ça. Non, ça, c'est Elvis. Puis même pas Elvis. C'est une chanson blues classique que Elvis a repris. C'est pas lui là, qui veut dire blues. Non. Moi, je suis un cireur de chaussures. Puis là, quand les gens sont là, puis ils me disent « Hey, mon Tony Bennett, tu l'as en tabernet. » Hey, quand on me dit « Tu l'as en tabernet », c'est quand même mon métier. Moi, je fais ça les yeux fermés, la bouche ouverte. Puis je suis pas du genre là, à mettre de la cire, puis tout ça, là. Je mets du vernis, je mets beaucoup de salive. L'important, vous savez pas, c'est le sel. Et le sel se trouve dans la salive, donc je mets un petit peu, à peine. À peine, ça, là, je vous donne une recette. Là. Si vous voulez faire carrière, c'est payant. Faut trouver un style aussi. Hein, moi, j'ai une chaise géante. Les gens, quand ils sont assis, ils ont l'air petits, petits. C'est tellement rigolo. Moi, je me trouve là sur la rue Saint-Jean à Québec. Au coin de Saint-Jean et Saint-Malan. À l'angle de Saint-Malan. Je suis là. Et puis là, il y a la chaise. Vous pouvez pas manquer la chaise. Puis surtout, vous pouvez pas me manquer, moi. Tony Bennett. Et donc, quand je vous dis que je place la chaussure de client, cliente, enfant, enfante, heureuse, malheureuse, dégénérée ou généreuse, j'ai pas de problème là-dessus. J'ai même fait des chaussures. Oui, j'ai nettoyé des chaussures des grandes vedettes. Ah, mon doux Seigneur. Des grandes vedettes de même, là, je pensais même pas que ça existait. Puis, ce que je trouvais étrange, je vais vous le dire un peu, là. Est-ce que j'ai le droit de vous le dire un peu ou beaucoup personnellement à la folie? Mais, j'ai pas le... Bon, vous m'autorisez. Vous pouvez... Mais ce que vous voulez savoir, c'est des trucs savoureux, hein? Avec qui, puis pourquoi, est-ce qu'elles étaient propres? Est-ce que le soulier était propre? C'est intéressant de savoir ça. Avez-vous le soulier propre avant de venir nous voir? Pas du tout! Moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un et de refuser. Je dis, hey, wow. Ça, là, c'est un soulier qui a beaucoup voyagé. Mais il a tellement voyagé qu'il a été tellement aussi pris pour trois fois rien. Mais il était tellement important pour toi parce qu'il t'a transporté. Et juste par le fait qu'il t'a transporté et que tu ne l'as pas respecté, tu mérites pas que je sois là à quatre pattes comme un clep, un clèche, une clème, en tout cas, à nettoyer tout ça. Il n'y a rien de plus bouleversant qu'un couple qui traverse le temps, qui accepte que la passion devienne tendresse. Mais si vous avez le goût de l'absolu, comment apprendre à vivre cela ? Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras je serai de retour, le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Oh, dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve et je frissonne. Je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne et je me traîne. Ton image me hante et je te parle tout bas. J'ai le mal d'amour, j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu de ce un peu plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux nos plus beaux souvenirs. Je reprendrai ma route, le monde m'émerveille, j'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. « je n'ai pas la vertu des femmes de main. Dis, mais comment reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Savez-vous, je vous l'ai déjà relaté, raconté, que j'avais des billets, un billet pour ce spectacle à Québec, et je croyais que c'était plus loin dans l'année, et j'ai loupé mon rendez-vous avec Gérard Depardieu qui chantait Barbara à Québec. Non, mais faut être un imbécile heureux, là! Faut être un peu heureux! Faut être un imbécile! Oui, oh, ben, écoutez, monsieur. Ah, non, non! Moi, c'est pas monsieur, moi! Non, non, non, moi, je suis pas ton monsieur. OK, vous êtes? Je suis ta conscience. Oh, mon Dieu, un autre. Ah, non, non, pas un autre, il y a juste une conscience. Non, non, non, il y en a plusieurs qui se... Non, non, hey, wow! Hey, mon petit galopin! Tu t'imaginais que Depardieu allait arriver en 2025? Non, mais je crois... Non, non, hey, attends un peu. Hey, non! Puis je m'exprime... Non. À peine, vas-y, on t'offre la parole actuellement. Oui, OK. Donc, j'ai acheté le billet il y a longtemps, il y a presque un an. Ouais, OK, et puis? Ben, et puis, j'ai mis ça dans une pochette. Une pochette? Ben, une pochette où je place tous mes billets de spectacle. OK, tu vas souvent avoir des concerts, des récitals, du théâtre. Pas souvent, mais j'en ai. J'ai eu Claude Dubois. J'ai vu mon ami Claude Dubois, un chanteur québécois. Connaissez-vous? Ben oui, Claude Dubois. Femme de la vue, femme d'espoir, comment puis-je faire? Oui, mais il y en a d'autres aussi. Ah oui. Oh, celle-là, je l'aime. Oh, je sais que tu l'aimes. Oh, je l'aime. Oh, non, fais-le pas. Oh, va te la faire. S'il vous plaît. Oh, non, va te la faire. Non, hey, hey! J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. Mais c'est pas celle-là de ces armes. J'aurais voulu. C'est là, là. C'est là, je veux la faire. Fais-le pas! Non, mais, non, tu veux pas la faire? Ouais, je veux la faire! Ah, tu t'es trompé, hein? Mais je suis trompé le micro! Mais moi, l'arrière-champ, va dans le champ, mais je connais pas ça! Non, mais je vais te l'apprendre. Ça, c'est moi. Oui! Puis là, quand tu vas dire oui, c'est toi. OK! Non, t'as pas dit oui. T'as pas dit oui. Non, j'ai dit OK. Mais ouais, mais il fallait dire oui. Ah, non, non. Moi, je suis un indiscipliné comme toi. T'es un champion. Un champion, oui. Un champignon numéro 2. Numéro... Non, c'est les poids. Tu te trompes avec les poids. Ah non, j'ai pas de poids. Ah, ça, on le sait que t'as pas de poids. T'as pas de poids dans l'industrie radiophonique. T'as pas de poids nulle part. T'es un super léger. Mais j'ai rien à la boxe, là. Je ne veux pas non plus dans une ruelle rencontrer un super léger qui me dit « Hey, là, t'as ri de moi, t'as... » Pas non, super léger, c'est pas dans la boxe, mais super léger intellectuel. OK. Alors, on va commencer comment? Ben, on va la commencer. Veux-tu la prendre par « J'aurais voulu »? Oui, s'il vous plaît. OK, on y va. Es-tu prêt? Je suis toujours prêt. Là? Oh, le mot est maintenant. Écoutez, là, est-ce que je peux te tutoyer? Mais tu me tutoies depuis le début, voyons donc! Arrête, non, non, crie pas après moi. Je crie pas après toi! Je t'envoie des interférences! Comment? Je t'envoie! Je t'envoie. Oui, je t'envoie. Je t'envoie? Je t'envoie. Moi, je t'envoie. Toi, tu t'envoies parce que toi, tu parles à la radio. Moi, je suis comme une voix derrière, là. Eh, hey, monsieur, plus que derrière. Oui, à côté. Oui, à côté du derrière. Oui, exactement. On y va avec « J'aurais voulu ». On commence avec J'aurais voulu. J'aurais voulu quoi? Ben, la chanson J'aurais voulu, hein? Voyons donc, ben, veux-tu que je la fasse? Ok, non, c'est moi. On y va. Puis après ça, j'annonce mon invité. Ben, on pourrait passer à l'invité après, non, avant, pendant. Non, on y va. J'aurais voulu être un artiste pour tous les jours changer de peau. Excuse-moi. Oui. J'avais pas de voix. Ben, t'as jamais eu de voix. C'est moi qui ai la voix. La voix de l'avenir. Ah! Mon Dieu Seigneur, votez pas pour lui! Hey, arrête donc, tu me connais pas? Ben, je te connais par cœur, voyons! Ok, on y va. Avec. J'aurais voulu être un artiste pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran. J'aurais voulu être un artiste à Waterloo, et pour pouvoir dire pourquoi j'existe. On la garde-tu celle-là? Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a jamais eu le choix avec toi. C'est comme ça ou c'est pas comme ça. Là, les gens ont su que tu avais posé ton micro. Ben oui, mais... Je suis pas dans la douceur. Moi, je suis pas dans la douceur, moi. Je suis dans la vérité absolue. Et j'ai toujours dit que j'étais 500% extrémiste. 500%, là. C'est pas 10, c'est 500% extrémiste. Alors, aujourd'hui, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pas un chat, c'est Claude Dubois. J'aurais voulu être... OK, on l'a fait. Un artiste pour tous les jours changer de poids et pour pouvoir me trouver beau sur un petit écran. Un petit écran, un petit écran. J'aurais voulu être un artiste. OK. Là, pour ce soir, dites-vous quelque chose. Là. J'ai plus de voix, heureusement, pour vous. Exceptionnellement. Et ça, c'est la première fois à Errance Rinaldienne. Il y aura deux invités. Je vais vous dire pourquoi. Isabelle Gagnon-Camillon était de passage. Elle ne devait même pas être en 2017 à Errance Rinaldienne. Et j'ai eu la chance de la capter puisqu'elle avait fait une chanson avec JP Nataf. Et là, elle était toute excitée. Elle préparait un vidéoclip et dit, ben, je veux te rencontrer, mais vraiment, là, pas très longtemps. Mais viens, la durée n'a pas d'importance. L'intensité, oui. Donc, c'est un petit 20 minutes que vous allez entendre, bien sûr, sans aucun montage, comme d'habitude, avec Isabelle Gagnon-Camillon et Elsa Saladin, malheureusement. Le dimanche 8 juillet, elle est passée sous le chapeau. Non pas parce qu'elle n'a pas été diffusée. Je l'ai diffusée, mais je n'ai pas eu la présence de la placer sur mon Facebook et partout dans les médias sociaux. Donc, ça passait un peu inaperçu. Puis, elle a eu la gentillesse. Ce moment-là, il mouillait. À Paris, il y avait une pluie torrentielle. Je l'ai vu arriver en scooter. Puis, elle a voulu m'accorder une belle rencontre. C'est une fille extraordinaire, exceptionnelle, sublime. Je la trouve incroyable. Et pourquoi j'ai pas pu faire autant de tapage médiatique, c'est que ma mère est décédée à ce moment-là. Donc, ça a été quelque chose d'assez ardu. Donc, j'ai pas pu tout faire en même temps. On devait préparer ce que vous connaissez. Comme je le disais au début de l'émission, c'est pas n'importe quoi. Là, c'est le préparatif. Puis la mort, c'est une industrie. Puis il faudrait peut-être que ça change. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Et donc, pour la première fois, deux artistes seront à Errance Reynaldienne. C'est Isabelle Gagnon Camion et puis Elsa Saladin. Juste pour nous, ce soir, pourquoi pas. De la musique mur à mur, oui, il y aura du Peter Gabriel. Peter, est-ce que tu connais Peter Gabriel? On n'annonce pas les chansons. Hein. C'est la première fois qu'on annonce ça aussi, les chansons. Puis c'est la première fois qu'il y a deux invités. Donc, aimez-vous ça les premières fois, Mme Thibodeau? Ah non, elle, ouais, c'est ça. La première fois, où, ben oui, on l'a embrassé. C'est son mari, hein. Puis c'était. On dit le front, madame, c'est de la trahison. Vous l'avez. Ouais, mais là, on vous l'apprend après 50 ans. C'est, au moins, vous le savez. Ben oui, elle a eu ben du chagrin, hein. Puis, ouais, c'est ça. En tout cas, on peut pas non plus rentrer dans sa vie. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, puis il faut laisser la place à mes deux invités. Je vous le redis, pour mon plus grand plaisir. On a du plaisir. À soir, on a du plaisir. Madame Tremblay, ce soir, c'est quoi? Ce soir, j'ai l'âme au plaisir. J'ai l'âme au plaisir. Avec l'incroyable. Puis je l'ai rencontré en 2019. Non, je l'ai rencontré, moi, en 2053, Isabelle. Non, attends. Rassemble ton esprit. Il sera à toi. Il sera à toi à quel endroit? Non, mais il sera à toi lorsque tu seras prêt à l'accueillir. Ah, OK. Moi, je pourrais accueillir tout le monde, moi, là. Mais, ce que je voulais dire à propos d'Isabelle Gagnon-Camion, je l'ai rencontrée cette année. Cette année-là. On a eu une belle rencontre de au moins 2 heures. Elle nous a parlé de cuisine, de bouffe. Mais là, c'est pas le moment, puis c'est pas le temps, puis c'est pas l'endroit. Donc, ce soir, Isabelle Gagnon-Camion et Elsa Saladin. Bonne soirée. Je me sens un peu hébété, un peu décalé. J'avais bien quelque chose à faire. Mais oups, je ne me souviens plus. Peut-être que je suis venue pour vous voir nu. Je suis venue pour vous voir nu. Je suis venue vous dire bonjour. Je suis venue vous faire la cour. Je suis venue. Je me sens Atman agousé, un peu douillouillet. Je me sens complètement déjanté. Mais oups, je ne me souviens plus. Peut-être que je suis venu pour vous voir nu. Je suis venu pour vous voir nu. Je suis venu vous dire bonjour. Je suis venu vous faire l'amour. Je suis venez. Je me sens Atman à gousser, un peu douillet. Je me sens douillou à gogo. Je me sens what? Je suis venu pour vous voir. Vous êtes venu pour me voir nu. Alors on va s'entendre, se comprendre, se détendre. Je suis venu pour vous warner, je suis venu vous dire bonjour. Je suis venu vous faire la cour. Je suis venu pour vous voir nu. Je suis venu vous dire bonjour. Je suis venu vous faire l'amour. Je suis venu. Bonjour mon lapin. Oui, non, non, c'est une chatte. Ah oui, merde. Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai nommé ici. C'est comment elle s'appelle donc? Tu la connais, c'est ton ami Facebook aussi. Julia Palombe. Ça me dit quelque chose, oui. Mais c'est, voilà, c'est juste par Facebook. C'est une genre de Henri Miller ah oui, d'accord. Français. Donc, il me reste 2 secondes et on va. Celui-là, il est parti, mais lui, il est un peu plus lent, c'est un vieux modèle. Et tout est beau. Isabelle, bonjour. Bonjour, Rénal. Là, ce qu'on va faire, c'est vraiment. C'est comme une étoile filante. Exactement. Et comme dit la chanson, tu ne fais que passer. Voilà. Tu ne fais que passer. On s'est rencontrés il y a 2 ans. Oui, exact. On a mis en place ta vie, on l'a raconté, et tu avais beaucoup de choses en vue. Et tu en as une actualité maintenant. Oui, je suis ravie parce que donc là, j'ai entamé un nouveau projet. Donc, c'est un petit EP de 7 titres. Qui est terminé? Il est terminé, il reste 2-3 petits peaufinages de mix. Et justement, la semaine prochaine, on fait le clip sur un des titres, okay, qui s'appelle La petite sirène ou L'histoire sans parole. Et en duo avec toi qui aimes les chanteurs français, tu dois le connaître. C'est un Québécois? Non, c'est un Français. Qui aime la chanson française? Mais toi oui, tu aimes la chanson, oui, donc tu dois le connaître. Oui. C'est le chanteur des Innocents. Oui. JP. Oui. Voilà, donc je suis. Ouais, voilà. Ah oui. Donc je suis ravie que tu le connais. Hein? Bah oui, ah, oui. Bravo. Quel homme incroyable. Tu l'as rencontré où, quand? En fait, je le connaissais du studio garage où je travaillais depuis très longtemps. Mais on se croisait comme ça, voilà. Et puis quand on a décidé de faire cet album, on lui a demandé s'il serait OK pour faire un petit duo avec moi. Et voilà, il a accepté avec plaisir. On a fait une très jolie chanson tous les deux. On tourne donc le clip la semaine prochaine. Et on j'espère. Va te la faire sur scène avec toi. Alors sur scène, peut-être, okay, que de temps en temps. Mais au moins, il vient faire le clip. Le clip, oui, il vient faire le clip avec moi et tout ça. Ça, c'est vachement chouette. Ouais, ouais. Comment il a pris le temps? C'est un gars qui est demandé partout. Ben justement, j'en suis très flattée. Mais... C'est un mec super en plus, avec d'une gentillesse et d'un très talentueux, bien sûr. Ouais. Mais en plus, c'est un mec vraiment gentil, vraiment profond, vraiment très très chouette. Enfin, c'est un très bon moment studio avec lui et je pense qu'on va passer un très bon moment à faire le clip aussi. Et c'est à quel endroit tu veux faire ça? Le clip, on le fait dans un studio à Boulogne. OK. Voilà. Et l'album que tu as préparé, ça t'a pris quand même 2 ans? Ben oui, parce que en fait, donc il s'appelle Les Larmes de l'été, celui-là. Les Larmes de l'été? Oui, voilà. Et en fait, justement, parce qu'au départ, on pensait sortir juste un 6 titres. Assez rapidement, et puis après on a eu cette possibilité de faire ce duo avec JP. Qui est un cadeau, comme je dis. Bah, carrément. Donc du coup on a été patient, c'est-à-dire que comme il est effectivement très pris, on n'a pas pu le faire dans la foulée, on a attendu qu'il soit disponible. Ensuite on a eu d'autres petites propositions pour avoir une équipe plus solide, mais pareil, il fallait être un petit peu patient. Pareil là... Mais toi tu recommences à 9. Ben, c'est oui et non, c'est-à-dire que mon projet d'avant, il existe encore, ouais, et on va le finir quand même, parce qu'on avait envie de terminer sur quelque chose de concret. Ouais. Et puis, pourquoi pas reprendre aussi de la scène, mais voilà, on va essayer de ne pas tout mélanger en tout cas. Mais de toute façon, même si c'est un petit peu différent, même si c'est moins électronique aujourd'hui, ça reste dans le même esprit de chansons, de textes, d'images. Il ne faut pas oublier que c'est toi qui écris les textes. Oui. Il ne faut pas oublier non plus que c'est toi qui travaille sur l'harmonie sonore. C'est toi qui as l'idée et tu soumets ça à un musicien. Alors ça, c'était plus dans mon projet d'avant. Okay. Là sur le nouveau projet avec, okay, Jean, donc moi, j'ai fait toujours mes textes, bien sûr. Mais là, il me livre des mélodies parfaites et tout ça, alors, pères, ouais, que je peux un petit peu changer à mon... voilà. Mais en tout cas, c'est d'un confort incroyable et des très jolies mélodies. Donc, je suis super contente. En fait, le groupe s'est formé un peu par hasard et Non, le truc s'est formé. En fait, je connaissais Jean de Aguillard, donc mon producteur, enfin coproducteur avec Louis David. Je le connaissais depuis très longtemps également. Mais on s'était un petit peu perdu de vue parce que lui était producteur d'autres choses, moi je faisais d'autres choses, etc. Voilà, et on s'est retrouvés, alors malheureusement pour une bien triste occasion, tu as entendu parler des accidents d'hélicoptère qu'il y avait eu il y a 2 ans ouais. avec les sportifs, etc. Ouais, ouais, ouais. Et dans cet hélicoptère, il y avait aussi notre ami ingénieur du son, Édouard Gilles, qui est décédé. Et en fait, on s'est tous retrouvés à son enterrement, tout le studio, plein de gens qu'on voyait beaucoup à l'époque. Et du coup, j'ai retrouvé Jean, qui m'a d'abord demandé d'écrire un texte pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, qui m'a dit, tiens, si jamais tu veux que je te fasse une petite mélodie sur un texte qui traîne. Et je lui ai donné un premier texte qui s'appelle Ultime départ. Il m'a fait quelque chose de tellement joli. J'ai dit, ouais, c'est super, Jean, merci. Du coup, je lui ai filé un autre texte, Les larmes de l'été. Il m'a refait un truc super joli. Et après, il m'a proposé, du coup, qu'on fasse un petit album. Voilà, donc tu vois les choses, ça, la vie... Ça s'est à un moment donné, ouais. C'était comme bouchonné par certains ouais. conflits, mais là, maintenant, bang, ça explose. Ouais, enfin, et, disons oui. que ça, en tout cas, ça Mais ça t'as travaillé, oh, ouais, mais, ouais. mais aussi t'as travaillé assez fort pour en arriver à ça. Ah ben ouais, c'est pas très faux. Ouais. Mais le disque va sortir bientôt, les chansons sont faites, sont déjà en boîte. J'espère, au départ ça devait sortir au printemps, okay. et comme on n'avait pas encore la chanson avec JP, bon on a attendu. Donc là, on espère que tout sera prêt, et le clip, et les mix, et la petite galette, beaucoup pour l'automne, si tu veux, ça sera... J'ose même pas dire septembre, je dirais octobre. Mais par contre, octobre, il faudrait que ce soit dernier cara. Parce que, avant Noël. Bah ouais, parce que les larmes de l'été, tu vas pas les sortir en décembre non plus, quoi, tu vois. Ben quoi que ça peut réchauffer, là. C'est vrai. Mais là, l'orientation est mise sur quel style musical? Alors, c'est un peu plus... c'est plus acoustique, il y a des petites teintes un peu jazzy, pop jazzy... il y a un côté un peu plus pur, où la voix est peut-être un peu plus mise en avant. Je trouve que ça me va vachement bien aussi. C'est différent, mais j'adore. C'est une belle progression. Ouais, en tout cas, ça a été un beau travail. Ouais. C'était un beau travail. On voit que tu es animé, on voit que la dernière fois, tu étais sur les choses qui avaient déjà été faites. Oui, et là, puis j'avais eu des soucis la dernière fois, j'étais un petit peu chagrine, j'étais là, merde, il m'a encore fait un sale coup, c'était pas dramatique, mais c'est vrai que j'étais vraiment fou. Et là, c'est vrai que ça fait du bien quand les choses se décantent, quand tu sais que tu vas vraiment aboutir quelque chose. Puis que des gens qui te connaissent se joignent à toi, parce que Nataf, c'est quand même une perle un album. Est-ce que c'est une chanson forte avec lui? Alors oui, alors au départ je pensais pas que ce serait celle-là. On l'avait en clip, il faut vraiment que tu crois. Mais en fait, oui, celle-ci, elle est très jolie, elle est en même temps elle reste poétique, mais en même temps elle a un petit peu plus d'allant, elle est peut-être un petit peu plus rythmée que les autres. Plus pop aussi, moins jazz mais plus pop. Non, c'est vrai que j'ai hâte de vous la faire écouter d'ailleurs, parce que même sans parler du clip, la chanson, elle est vraiment jolie, quoi. Et en fait, nos deux voix, alors que moi, j'ai une voix quand même très grave, on avait un doute, si tu veux, même lui, il m'a dit, j'espère, Isa, que nos voix, ça va aller, quoi, parce que c'est pas toujours évident. Et en fait, elle se marie hyper bien. C'est vraiment... Est-ce qu'elle vous donne le goût de faire autre chose ensemble? J'adorerais, mais pour l'instant, il est vachement pris, tu vois. Déjà là, il s'est libéré pour la journée de tournage, donc après, je vais lui foutre un peu la paix. Et puis quand il aura fini ses trucs à lui, on verra peut-être pour la suite. Qu'est-ce que tu veux dire dans ces chansons-là que tu n'as pas encore abordées? Est-ce que c'est des choses que tu mettais en sourdine et qu'éventuellement tu t'es révélée à l'écriture? Non, pas réellement. C'est plus la vie, ce que tu vis, les semaines, les mois précédents qui font qu'à un moment, ce que tu vis ou ce que tu vois vivre par les autres, tu vois? Okay. Tu es un loup, tu mords. nature. Oh oh oh oh, j'aurai ta peau nature et sur elle un tatou. Tu mords, tu griffes, tu es un chat, tu es bien plus que ça, mon loup. Tu es un c'est l'histoire de la petite sirène, c'est en fait l'histoire d'un amour impossible. Donc revisité bien sûr par mes soins. Et bon, c'est l'histoire de elle est dans l'eau, etc., etc. Donc ils ne pourront jamais réellement s'aimer alors qu'ils sont amoureux. Donc c'est pas l'histoire de la petite sirène vraiment classique, machin. Mais c'est un petit peu ça. Donc, donc ça va tourner autour du fait de, tu vois, de on ne peut jamais vraiment se retrouver, quoi. Donc ça va être en même temps, je pense, assez joli, assez tendre. Je pense qu'on va être de dos justement, tu vois, où on ne peut pas réellement se voir, réellement se trouver. On va chercher avec les mains, on va... voilà. Donc c'est une histoire d'amour impossible, mais c'est encore une histoire d'amour, ou une histoire en tout cas sur... Enfin là, c'est une histoire d'amour. Et sinon, mes chansons en général, c'est sur l'humanité, c'est sur, le, sur les émotions, sur les... C'est des textes qui étaient là depuis longtemps. Sur le nouvel album, il y en a deux qui étaient là depuis longtemps. Notamment Ultime Départ et Les Larmes de l'été. Et les cinq autres ont été écrits au cours des deux dernières années pour cet album. Mais pourquoi tu n'as pas essayé de décrocher trois autres titres pour faire un album complet? Mais parce qu'au départ, on était vraiment parti sur un six titres et on ne pensait même pas avoir un duo avec JP. Donc c'était histoire de, que ça ne nous emmène pas trop loin dans le temps, justement, que ça rebondisse tout de suite. Voilà. Et puis en fait, finalement, on aurait eu le temps d'en faire trois de plus, oui, c'est sûr. Mais bon, bah, c'est comme ça. Et avec Jean, en tout cas, si ça continue comme ça, on devrait en faire un autre. Ok, donc voilà. T'es en plein bouillon créatif. Ouais. Mais est-ce que le son, c'est une continuité? Est-ce que c'est, est-ce que tu sens qu'il y a une évolution? Avec les autres disques? Il y a une évolution. Enfin, il y a déjà une évolution dans le fait que quand je dis que Jean écrit des mélodies, il écrit vraiment des mélodies. Okay. Moi, j'étais plus linéaire. On en avait parlé. J'étais un peu plus linéaire, plus hypnotique, aussi un peu plus électronique. Mm-hmm. Donc, il y avait un côté plus droit. Avec Jean, c'est de la mélodie. Donc, forcément, je chante plus. Du coup, ma voix est plus chantante aussi. Donc, c'est une évolution. Enfin, tu vois, c'est un autre parti pris aussi, mais oui, c'est une évolution. Et je pense que du coup, moi, ça m'a aussi un peu décoincé sur le fait que je pensais que je savais faire que du linéaire, finalement. Okay. Tu vois, et là, je me dis, en fait, je peux être une vraie chanteuse. Est-ce que ces chansons-là ont vieilli sur scène ou si tu les as jamais préparées au public? Celle d'avant ou celle de maintenant? Maintenant. Si elles ont... Vécu ah oui, ah oui, non, non, non, aucune. Non, non, non, non. On a notre premier concert dans un petit festival à Montreuil qui s'appelle La Guinguette Pirate, le 24 septembre. Mais tu n'aurais pas voulu les faire vivre un peu avant? Pour mais si, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, après, ça va dépendre des dispos. On dirait que c'est un album d'urgence, celui-là. Des dispos de chacun. Mais on va faire des petits enregistrements, justement, comme tu disais, sur un banc public, dans différents endroits de Paris, comme ça, pour en même temps s'exercer à les avoir en bouche et tout ça. Et puis en même temps, pour faire aussi des petites vidéos, pour alimenter un peu le site. Le site, oui, voilà. Pour exciter un peu. Dans différents endroits, des petits endroits jolis. Est-ce qu'il y a des gens qui t'envoient du courriel en disant « qu'est-ce qui se passe dans ton univers? On ne reçoit plus rien, il n'y a plus de chansons. » C'est vrai que, et du coup, moi, ça m'a un petit peu bloqué, notamment par rapport aux réseaux comme Facebook. Tu as vu, je suis pas trop. Non, c'est tranquille. Parce qu'au début, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Après, le temps s'étire. Donc j'étais là, je faisais un petit peu le canard. Mais effectivement, du coup, les gens me disent « t'es plus là, qu'est-ce que tu fais? Où t'en es? Alors, c'est pour quand ?» Voilà, et donc c'est vrai que comme j'avais pas de date précise, j'ai pas de date précise de sortie, mais maintenant on sait que ça devrait être bon pour septembre-octobre, voilà. Mais on dirait que là, t'es dans un flux de création, ça fonctionne bien, t'es de bonne humeur, t'es joyeux. Ouais. Non, mais c'est plutôt ma nature d'être de bonne humeur et joyeuse. Mais là, on sent qu'il se passe quelque chose. Et ouais. Tu le sais, et tu embarques là-dedans avec les joints. Ouais, ouais, ah ouais, ouais. Enfin, il y a un dénouement. Oui, ouais, ouais. Voilà, c'est ça qui fait du bien. Et puis tu verras, c'est vraiment des jolies chansons, quoi. C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup. On a pris un petit peu aussi un parti pris de traiter un peu les arrangements et même les mélodies un petit peu comme des musiques de films des années 70. Tu sais, un petit peu genre... t'imagines Romy Schneider et Piccoli un petit peu ce côté... sans prétention, mais je veux dire, pour te donner un petit peu l'esprit de l'arrangement des chansons, on leur a donné un petit côté un peu musique de film, entre guillemets, voilà. Ça, c'est grâce à ton nouveau mélodiste. Ouais. Lui, a vraiment la flamme. Oui, puis il fait les arrangements, il sait jouer de tout. Ceci dit, on a eu des super musiciens en studio aussi, mais... Est-ce que ça sublime tes mots, sans doute, si la musique est aussi... Ah oui, il y a des... Ça t'a surpris? Et puis c'est vrai que, si tu veux, avant, c'est pas je me battais pour me faire entendre, mais c'est vrai que parfois les chansons étaient très fournies, les morceaux étaient très fournis. Donc la voix était plus un instrument mixé dans le grade de tout ça. Ah ouais. Alors que là, il y a un petit peu, genre Jean m'a fait un écrin, quoi, si tu veux. Il m'a dit, écoute, moi je veux que ta voix, je veux dire, enfin, lui, heureusement, il aime beaucoup ma voix. Mm-hmm. Et donc il voulait vraiment qu'elle prenne son emploi. Voilà. Et son effervescence, voilà. Et sa beauté. Voilà. Ah, mais c'est tout à fait jouissif. Ouais, ouais, c'est chouette. Et là, tu travailles sur le vidéoclip demain, c'est ça? Alors, donc, j'ai plein de trucs à faire d'ici là, mais on enregistre, c'est le 13, jeudi prochain. OK. Voilà. Et avez-vous déjà une mise en scène ou si ça va se faire sur place? Ouais. Okay. J'ai créé un petit synopsis avec le réalisateur. Donc, on ne voulait pas que ça soit justement au bord de la mer avec une sirène et une queue de poisson, parce que ça faisait un petit peu trop. Voilà. Donc, si je te dis, ça va être une histoire vraiment dos à dos. On va se faire des câlins de tête, chercher à se choper, à se voir. Bon. Et puis, on va pas y arriver, puisque de toute façon, c'est pas possible. Et puis après, on va s'éloigner comme ça. Il y aura peut-être des petites surprises, des petites incrustes, je sais pas encore trop. Ça va être aussi le boulot du réel. Mais voilà, on a déjà bien écrit un petit peu. J'avais les scènes. Une petite idée, mais ça peut déborder. Ce qu'on aimerait, alors j'espère que ça fonctionnera comme ça, c'est que d'une histoire d'amour impossible ressorte quand même une belle sensualité. Ah oui, tu vois. Donc, noir et blanc, allez-vous utiliser noir et blanc? Alors voilà, je pense. Alors en même temps, le réalisateur, me dit ouais, on va peut-être pas faire tout noir et blanc. Peut-être que ça. Bon. Donc après, ça va être un petit peu sa vie, on va voir. Noir et blanc, puis la couleur sera en dehors de peut-être, tu vois, peut-être un petit peu de couleur. Peut-être c'est l'éclaircie, sur certaines choses, La couleur ou par moment. Ouais. Le noir et blanc, c'est peut-être le côté sombre, mais la couleur, c'est ce qui pourrait arriver à la mesure. Oui, voilà. Ouais, c'est un travail un peu psychanalytique. Ouais. Ah, ben merci d'être passé. C'est super sympa. Et puis, on peut-tu prendre quelques photos? On va les regarder pour voir. Oui, okay. D'accord. Ah, c'est beau. Ah, j'ai jamais fait ça aussi rapide. J'ai jamais fait ça aussi rapidement. Ça? Mais rapide, nous, c'est comme une petite baise. Mais c'est quand même... Mais on sait déjà comme c'est moins pire parce qu'on se connaît déjà. Donc, oui. On n'a pas à faire oui. la mise en Oui, voilà, on n'est pas. Voilà. Mais en même temps, si la prochaine fois, j'espère qu'on pourra passer à l'autre temps. Oui, oui, oui, on va parler parce que là, j'ai mes questions. T'es là jusqu'à quand, toi? Mais moi, je m'en vais après demain. Merde. Puis, tout est. Tu vois, là, je t'ai placé à travers tout ça, là, mais t'es chanceux. Oui, mais c'est marrant, parce que moi, je voulais juste te voir. Mais moi, je voulais juste te parler, mais avec mon micro, tu sais comment je suis. Un peu. Un petit problème technique, excuse-moi. OK. Tu veux les voir, hein? Oui, je suis content. Allez, voir, dernière. Hein? Okay. Je ne veux pas te faire attendre pour rien, là. Tu vois? Celle-là? Ça, je vois que dalle. Vas-y, ouais. Ça, c'est bon. Ouais, c'est rigolo, ça. Ça aussi? Ouais. Ça? Ouais. Ça? Ça, ouais, ça c'est comme l'autre. Ouais. Ça aussi? Ouais, ça va. Ça? Ouais, ça va. L'autre, c'est pas toi, c'est. Okay. Hey, merci. Alors, voilà. Je suis très content de t'avoir vu. Et puis la prochaine fois, t'as mon téléphone, appelle-moi un petit peu plus tôt. Oui. Ça me ferait vraiment plaisir, même si une fois tu veux qu'on fasse un truc chez moi. Je pense souvent à l'autre. Tranquille. Je pense là. Tu vois, régulièrement. Tu dis, hein, là, oui. Si t'as même pas un coup de quelqu'un d'autre. OK. Ça me fera vraiment plaisir, il n'y a aucun souci. Excellent. Puis je repasse l'année prochaine, même heure, même date, et puis avec toi. Ça marche. Avec l'album aussi. Ah ben là, j'espère. Ouh. Hey, excellent. Hey, bonne chance. Merci. Salut. Ciao. Bye. Allez, viens prendre le tibia. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Hey little apple blossom, what seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. That's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. I fall in love with you. I think I'll marry you. Heureux de te connaître. Mais moi aussi. Et j'ai vu que tu avais fait des photos avec Brigitte hier. Ah, oh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tu la connais. Ben oui, je la connais. Oui, c'est ça, oui, ben Brigitte, oui. Et puis en plus, c'est une Québécoise. Mais je sais. Et voilà. Comme ça. Mon cousin. Mais tu connais peut-être mon cousin Guillaume Saladin d'Anglure, qui est circassien, qui était chez Éloise pendant des années, qui bosse avec les Inuits maintenant. Non. Ça te dit rien? Malheureusement, non. Et mon oncle Bernard Saladin d'Anglure était à Québec, à l'Université de Laval, pendant des années comme anthropologue. Je parlais à Justine de l'Université Laval. Je sais que là, j'ai regardé pour... L'histoire de Saint-Exupéry, ouais. Du Petit Prince. Ah non, ça je connaissais pas, j'ai regardé l'histoire de votre radio. Ah oui, c'est Carrette, la première radio associative francophone au monde, oui. Mais le Petit Prince, on va faire du radotage, mais peu importe, c'est pas grave. J'y étais pas. Non, tu étais pas. Ah oui, mais toi, t'enregistres, mais, c'est ça? Oui, oui. L'histoire du Petit Prince a été... Saint-Exupéry connaissait M. de Coninck. Ouais. Il y a un pavillon à l'Université Laval qui s'appelle de Coninck à cause du professeur en question qui est un professeur de mathématiques. Un grand ami de Saint-Exupéry, il lui a proposé de venir à Québec se reposer. Il avait son fils de Coninck qui gravitait autour de lui, de Saint-Exupéry, qui jouait un peu avec. Et il lui a inspiré Le Petit Prince. Il a écrit Le Petit Prince à Québec. Le Petit Prince a été écrit à Québec. Voilà la vraie histoire. C'est beau, ça. C'est beau, hein? Ah, voilà, ouais, voilà. Beau. Et c'est le livre culte de plusieurs personnes. Ah, ben, avant ça, c'était la Bible et Saint-Exupéry. Là, maintenant, c'est rendu Saint-Exupéry. C'est ça, le prince et la Bible après. Mais toi, tu fais plein de choses dans... Comment tu sais ça que je fais plein de choses? Ben parce que je monte un dossier de presse, de là l'intérêt. Ah oui. Ben un dossier de presse, il faut travailler le sujet. Ah oui, je sais pas. Et tu fais autant, ben comme de plus en plus de comédiennes et de... Autant garçons et filles, comédiennes, vous vous donnez toutes les chances. Donc, vous êtes souvent comédien, comédienne, chanteur, chanteuse, vous faites des voix off, vous travaillez le mime, vous essayez d'avoir le plus. Hein, je t'installe, mais. C'est de ta faute. Ah, je sais. Et tout ce qui est négatif, c'est de ma faute et ça me fait plaisir. Je suis Machiavel. Donc, ce que je trouve intéressant lorsque j'encontre des artistes aujourd'hui, d'une certaine génération, disons plus 35 à 40 ans et moins, parce que... Je suis après, moi. Ah oui? Ah, ben on a le même âge, peut-être. Oui, je pense qu'on a plutôt le même âge. Ah, un demi-siècle, 72. Ah, 67, moi. Ouais. Ouais, ben oui, on a 5 ans d'écart, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, un demi-siècle. Donc, ben en tout cas, une certaine génération, puis de plus en plus les jeunes, essayent d'avoir tout le système artistique à eux pour pouvoir essayer de s'en sortir un peu. Mais les anglophones, ils ont toujours fait ça, par exemple. Tu veux dire en Amérique? Ouais, puis les Anglais, enfin je veux dire qu'ils n'ont pas notre couverture sociale. Non. Non, ici, il faut étiqueter, ouais. Voilà. Mais ici, au Québec aussi, hein, il n'y en a pas tant que ça, des comédiennes, actrices, chanteuses. Metteurs en scène. Metteurs en scène, oui, effectivement. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est assez français, peut-être. Alors, ben, ce qu'il faut, quand tu as un travail artistique, c'est d'essayer de vivre un peu là-dedans, à travers ça, de patauger. C'est ça, c'est ça. Puis d'en vivre, et non pas d'être caissière, puis par la suite faire la mise en scène le soir et essayer de trouver un casting. Et bon, c'est de t'imprégner à 100% dans le travail artistique. Donc, toi, lorsque tu te dis volontaire, tu acceptes les hauts et les bas, donc, mais tu t'es dit, je vais me former pour avoir une vision globale, histoire d'avoir un peu de travail dans tout, c'est ça? Ouais, au-delà de ça, comme c'est une passion, si tu veux, je pense. De plus en plus, je me dis que c'est pas un métier, en fait, artiste. Avec le temps, tu sais, on vieillit, on mûrit quand même. Mm-hmm. Non, mais je pense que c'est vraiment une passion. Sinon, tu tiens pas. Sinon, tu considères plus une artiste qu'une comédienne. Artiste, là, ça couvre tout. Ouais, parce que c'est plus global que ça. Et moi, je suis une enfant de la balle, donc mes parents étaient déjà dans le métier. Tu vois, ouais. je suis née là-dedans. Ouais. J'ai fait mes premiers pas dans les théâtres. Tu regardais dans les coulisses? J'étais dans les coulisses, dans les loges, sur les bancs, tu vois, en train de regarder les répètes. Donc, j'ai vraiment baigné là-dedans. Donc, après, la question, c'était est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans parce que c'est ça qui me porte ou est-ce que c'est lié aux parents, tout ça? Du mimétisme, souvent? Ouais, tu vois, hein? Ça peut reproduire les schémas parentaux. Ouais. Puis non, c'était ça, tu vois, la preuve, j'y suis toujours. Ouais. Je pense que sinon, j'aurais arrêté. Mais par contre, j'ai toujours continué dans ce métier, même quand j'avais pas de boulot comme comédienne. Je me suis formée à la production de cinéma, au script. J'ai été assistante mise en scène, tu vois, ça m'intéressait. Mais est-ce que... Dans ce milieu-là, tu vois, c'est plus l'univers. Oui, oh oui, ce cocon. Ouais. Est-ce que les parents qui voient leur fille devenir comme eux sont inquiets ou heureux? Alors, les parents en général, je ne sais pas, les miens, ils étaient paniqués. Ben oui, parce qu'ils en ont arraché. Ben exactement, moi je voulais pas que je sois dans les mêmes galères qu'eux éventuellement. Mais eux étaient beaucoup plus axés sur le théâtre. Alors les deux étaient très axés sur le théâtre. Mon père était dans le théâtre national subventionné. Il était sur des grosses scènes. Il avait fait l'école nationale, il a fait l'école du TNS, tu sais, à Strasbourg, dans l'école en tant que régisseur. Donc il a très très bien bossé, il a arrêté assez tôt parce qu'il a refait sa vie, il a eu une famille avec des... Moi j'ai des frères et sœurs qui sont plus jeunes que moi. Okay. Et ma belle-mère lui avait dit, bah, en gros c'est la famille ou le théâtre. Ah. Et il a arrêté, il a repris des études, il s'est éclaté, il est devenu éditeur de bouquins. C'est encore, ça touche le domaine artistique. Tout à fait. Mais donc, lui, ça marchait bien, tu vois. Il aurait pu continuer, en fait. C'est un vrai choix personnel qu'il a fait, je crois. Est-ce que ça... Fondamentalement, est-ce qu'il est encore vivant, ton père? Oui. Est-ce que, fondamentalement, il se sent coupable de ne pas avoir été plus loin parce que... Pas du tout. Par contre, je pense qu'il a une frustration. Parce qu'avec ses élèves, il est prof, en fait. Il a été prof en fac longtemps. Avec ses élèves, ils montaient toujours des pièces. Je pense qu'il aurait aimé faire de la mise en scène. Chose qu'il n'a pas faite. Et que ça l'éclate de le faire comme ça en amateur, maintenant. Il le fait, il adore. Mais pourquoi... Il joue même comme comédien de temps en temps. OK, ben oui, ben là, oui. Mais pourquoi elle voulait pas? Et parce que la vie de théâtre, t'es jamais là le soir. Donc quand t'as une famille, c'est compliqué. Hein. OK. C'était elle ou le théâtre, c'est ça? C'était... Ben elle, pas elle, mais la famille ou le théâtre, ouais. Et toi? Mais moi, moi par rapport à... Ben toi, c'est la même chose. Si tu veux créer une vie de famille... Ah, moi, alors moi, je suis mariée depuis peu. Oui. J'ai un super mari. OK. Qui lui est ostéo et kiné, donc il a des horaires aussi un peu variables. Okay. Il fait du coaching aussi en entreprise. Okay. Et on a une super relation, donc on est libre. Mais il n'a pas encore d'enfant? Alors lui, il a deux grandes filles. Okay, moi, non, je ne peux pas avoir d'enfant. Okay. Ah, ben moi, voilà. Je n'aurai pas. Okay. On a une famille, on a un chat. Ok, oui. Voilà, donc on pouponne le chat, mais le chat, tu peux le pouponner à n'importe quelle heure. Oui, mais le chat, c'est un pacha, c'est le cas de le dire. Ah, ben oui, ouais, moi aussi, j'ai un animal. Et c'est ouais. Quoi comme animal? Moi, c'est un Yorkshire croisé caniche. Ouais. Mais c'est parce que, je ne sais pas si tu es comme moi, lorsqu'on a un animal, ok, premièrement, c'est pas un animal, et, ah ben non, et toi, c'est pas un chat, c'est, ah ben oui. Voilà, c'est, je ne sais pas, Félix, comment il s'appelle? Elle s'appelle Léa, comme la princesse de la guerre des Léa. Étoiles. Eh ben voilà, ok, qui est morte. Oui. C'est tragique, hein? Oui. Tragique. Et ben moi, c'est Banjo, mais c'est pas mon chien. Je garde ce chien-là depuis, parce que moi, je travaille de nuit, donc je le garde. Et le jour, ben, ses parents travaillent. Donc, c'est rendu quand même mon petit Benjo, hein. Donc, il a deux familles, alors? Ben, deux familles, parce que moi, je reste en bas, puis eux restent en haut. Donc, moi, je monte en haut pour le garder. Je dors sur le divan là, parce que j'étais un travailleur de nuit, puis lui, il dort avec moi. Parce qu'un Yorkshire, là, c'est un bibelot, hein. Oui. C'est bon, tu couches, il va se coucher à côté de toi, puis bon... Chat, ouais. C'est ça, puis là, il va te lécher, puis bon, il va se. À un moment donné, il va venir se coucher plus bas, il va remonter, mais bon, en tout cas. Et c'est plus un chien, c'est Benjo. C'est ça. Et toi, c'est plus un chat. Ah ben non. Voilà, c'est ça. Donc, et quand on parle. Ouais, et puis, comment va ton chat? Moi, j'ai pas de chat. Ah, il y a quand même un lien assez, assez particulier. Oui, oui. Oh, ouais. Et on va revenir, on fera pas 100 millions d'amis. Non, mais les animaux, c'est hyper intéressant, parce que ça rejoint le théâtre aussi. Tu sais, on dit que quand. Il suffit de mettre un chat sur scène pour pas que les spectateurs s'ennuient. C'est un des trucs qu'on apprend aux élèves comédiens. C'est regarder les chats, les animaux en fait. Ils sont, ils cherchent pas à être quelque chose, ils sont. Tu places un enfant de 2 ans sur scène. Mais voilà, c'est pareil. Prendre à marcher, les gens vont. Comme au cirque, hein, c'est pas. Oui, c'est ça. Oui. Puis aucun préjugé, hein. Non. Ben non. C'est ça qui est merveilleux. Hein, tu peux te sentir mal à l'aise, tu peux avoir des problèmes. Lui, il va le sentir, mais c'est pas, il dira pas hey, « voyons donc, là, pourquoi tu es encore… Hein, » Par c'est... contre, il vient et quand il sent que ça va pas, il vient. Oui, c'est ça. Oui, un chat, oui. Ah, oui un oui, chien, oui. Non? Ah ben, un chien, c'est toujours après moi. Un Yorkshire, c'est toujours vrai, après. Voilà. Et donc, toi, le travail de comédienne et de metteur en scène, tu l'as vu à travers tes parents, à travers ton père. Je l'ai vécu à travers mes parents au départ, puis après, moi, j'ai vraiment pris mon... Mais ta mère aussi l'était? Ma mère, elle était comédienne et chanteuse, ouais. Alors, elle s'est arrêtée lorsqu'elle a fait des enfants? Elle a dit... Non, parce qu'elle m'a eu très tôt. Mes parents m'ont eu hyper jeune. C'est les 68 ans. Ils m'ont eu, en 72. Ils étaient en Algérie à ce moment-là. Mon père était coopérant. Donc, ils m'ont eu jeune. Ils avaient 23 et 24 ans. Enfin, ça arrive, hein. Mais... Ah oui? Ah oui. Donc, non, elle a arrêté bien plus tard. Pourquoi? Par choix aussi, elle galérait pas mal. Pourquoi? Ben parce que c'est un métier qui n'est pas forcément simple et qu'elle n'avait peut-être mais pas pour, trouvé... Mais pour une femme, c'est plus difficile. Et pour une femme, c'est plus vachement vieillissant, c'est pas... C'est pas... Oui, on a créé une assoc d'ailleurs. Moi, j'y suis plus trop en ce moment présente parce que je fais plein de trucs. On a créé une assoc en France qui s'appelle Actrices et Acteurs de France Associés. Okay. Je sais pas si tu as croisé déjà les comédiens qui font partie de cette assoc, qui existe depuis 3 ans, je crois maintenant, 2 ans et demi, 3 ans, justement pour fédérer les comédiens ensemble. Pour se soutenir, tout ça. Et notamment, il y a un des pôles qui marche hyper bien, qui est le pôle de la comédienne de plus de 50 ans. Ah oui? Mais je crois que Brigitte a adhéré, là, il y a peu de temps à ça, okay. Pour se battre. Et d'ailleurs, elles ont fait changer plein de trucs en intérieur. Parce que Il y a de moins en moins de boulot, alors que les femmes de plus de 50 ans représentent une grande, grande partie de la population. J'en parlais hier. Et elles bossent pas. Mm. Alors que les mecs, plus ils maturent, plus ils mûrissent. Elles disaient la même chose hier. Voilà, donc on essaie de rééquilibrer un peu les choses dans les scénarios. Les scénarii d'ailleurs, on dit. Oui. Dans les scénarii, oui. On demande à ce qu'il y ait plus de rôles de femmes écrits, on demande à ce qu'il y ait plus de scénaristes femmes qui aient le droit d'écrire, plus de réalisatrices. Donc ça prend une ampleur vachement intéressante. Il y a eu des colloques avec des sociologues invités et tout. Non, ça va bien bouger. Aujourd'hui, on va toucher un peu à l'actualité. Simone Veil n'est plus. On parle de femmes. Est-ce qu'elle t'a apporté beaucoup, Simone Veil? Crois-tu qu'elle a apporté beaucoup aux femmes? Moi, je pense. C'est une des femmes qui a marqué... Moi, dans les années 80, je la voyais souvent sur les réseaux français. C'était la femme, c'était la ministre qui était... Elle s'est vraiment battue pour les femmes, mais il n'y a pas qu'elle. Hein. On a eu quelques figures emblématiques comme ça, hyper fortes. Oui. Et voilà, on se dit que s'il y a des figures emblématiques, c'est qu'il y avait vraiment du chemin à faire. Et qu'il y avait un problème. Ouais. Et on n'en est pas sorti, je trouve même qu'il y a une régression. Oui. C'est une bonne question. Je me considère plutôt comme humaniste en général. Je pense que c'est pas une Non. Mais ouais, c'est beau. Moi, je travaille plus sur la condition des enfants en fait depuis quelques années. Donc ça rejoint la condition des femmes si tu veux. Mais je travaille beaucoup autour d'un grand pédagogue qui s'appelait Janusz Korczak, qui est mort en déportation en 1942, qui était juif polonais. Okay. Et qui lui s'est beaucoup battu aussi pour la condition des enfants, les droits des enfants. Donc ça rejoint beaucoup beaucoup la condition des femmes, parce que c'est lié. Ouais. C'est aussi souvent les femmes qui éduquent les enfants. Bah oui. Voilà, mais je travaille beaucoup surtout sur les droits des enfants. Mais est-ce que tu considères un enfant de 0 jusqu'à 18 ans ou Ouais. OK. Et est-ce que c'est le fait que tu peux pas en avoir qui te... Alors non, parce que je me suis intéressée au personnage avant de savoir que je pouvais pas avoir d'enfant. Okay. Donc c'est pas ça. OK. Et ça m'est arrivé par hasard, comme plein de choses dans ma vie. J'avais des élèves. Et on nous a demandé de monter un spectacle sur les droits des enfants. Et moi, j'y connaissais absolument rien. C'était en 2010. Ok. Et en faisant des recherches, je tombais tout le temps sur ce nom, Janusz Korczak, que je ne connaissais pas du tout, qui est le père spirituel de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc de la CIDE. Ah oui, hein, c'est bon. Qui a fêté ses 25 ans, là, en 2015. Ouais. Et à partir du moment où j'ai rencontré les écrits de cet homme-là, j'ai pu quitter cet homme-là. Et le dernier spectacle que j'ai fait, là, que je joue, c'est un spectacle sur lui, qui est adapté d'un livre pour enfants. Et donc ça rejoint en permanence la condition des femmes, parce que si les femmes sont illettrées... De moins en moins. Oui, non mais on parle là, en France, évidemment non, mais si tu regardes dans le monde entier, okay. Si tu es sur une vision un peu plus okay. internationale, mondiale, j'ai tout commencé à regarder de manière mondiale. Il faut s'ouvrir. Ouais. Ouais. Plus les femmes sont lettrées, plus l'accès à la culture est possible pour les femmes et les hommes, plus les enfants ont des chances de ne pas aller travailler. Ben d'aller plus loin, de, voilà, de monter davantage. Accéder à la culture. Ouais. Les parents n'ont pas besoin que les gamins travaillent dans le champ avec eux. Ils ont, Alors, tu aimes travailler avec les enfants? J'adore travailler avec les enfants. Et qu'est-ce que les enfants t'apportent? Tu parlais des enfants sur scène, les enfants dans le public, tu vois, ça, si ça passe pas, ça passe pas. Tu dois être vraiment pile au bon endroit tout le temps, donc moi j'adore. Et puis on fait beaucoup de débats avec eux. Je fais du théâtre social, du théâtre forum, okay. sur la méthode d'Augusto Boal. Ouais. Je trouve que c'est le truc qui marche le mieux avec les enfants. Puis okay. ça, c'est super. Donc on fait des échanges après avec eux, pour savoir ce qu'ils ont compris. Et là, sur la pièce, comme c'est un truc autour de leurs droits, on pose beaucoup de questions et c'est sublime. On a des dessins. Quand je m'occupais des enfants de mes copines, je leur présentais des films de François Truffaut, Argent de poche. Parce que je crois pas qu'on doit se centrer sur des films destinés aux enfants. Je crois pas vraiment la littérature destinée aux enfants. Il y a de la littérature, il y a du cinéma. Et donc, ce qui plaît aux enfants, c'est quand on parle d'eux. Donc, François Truffaut était un des bons metteurs en scène où il mettait en évidence ses enfants. Il avait une facilité avec les enfants, autant qu'avec les femmes. Mes réalisateurs préférés. Oui. Truffaut à moi, oui. Mais imagine-toi donc, en 76, ça a créé un trou parce que les enfants n'étaient plus représentés. Il y a eu beaucoup moins de films où on voyait des enfants au cinéma. Et c'est ça, quand on parle d'enfants, on parle aussi de côté plus sauvage, plus authentique, moins travaillé, moins... Il n'y a pas d'ego, c'est ça. Il y a le metteur en scène ou le réalisateur qui travaille avec l'enfant. Donc, c'est lui qui dirige. Joue moins, je le mets un peu davantage. Va chercher. C'est le travail aussi du metteur en scène, du réalisateur qui doit filtrer un peu parce que les enfants sont très sensibles. Donc, c'est d'essayer de sortir le meilleur d'eux sans les troubler. Et Doyon, tiens, le deuxième, c'est Jacques Doyon qui travaille beaucoup avec les enfants. Ouais. La Drôlesse, qui est un film extraordinaire. Magnifique. Ah voilà, tu connais. Ouais, ouais. Ouais. Débloquer des situations avec l'humour. Ouais. Tu peux faire entendre des choses à des gens qui ne veulent pas l'entendre parce qu'il y a l'humour. Oh, exactement. Moi, je trouve que c'est une des plus belles choses. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené, à part tes parents, à vouloir à vouloir continuer parce que tu aurais pu dire, oh ben là, je vois bien que mes parents se sont arrêtés après plusieurs années, mais moi, ce ne sera pas la même chose. Qu'est-ce qui t'a prouvé ou qu'est-ce qui t'a amené à continuer? Je ne sais pas forcément. Ce que à chaque fois, je me pose la question. Je n'ai toujours pas la réponse. Ah, tu poses toujours? Ok, t'as ben oui, parce que souvent, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mmh. Tu vois? Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est rêver. Tu es une rêveuse? Je suis une rêveuse. Mmh. J'aime faire rêver les gens. Mmh. Et c'est un super moyen, c'est un super outil de théâtre. De s'évader aussi. De s'évader. Ouais, ouais. Pouvoir jouer les personnages qui ne sont pas moi. Ben voilà, j'ai traversé les personnages, enfin, tu vois, peut-être une de mes palettes. Mmh. J'aurais jamais eu ces vies. Ça permet d'avoir plusieurs vies en une, voilà. Ok, ouais, ouais. C'est de jouer autant une princesse que de jouer une femme mariée. Une mégère, ouais, une femme mariée. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et c'est, en fait, c'est de camper des rôles. C'est super chouette de créer un rôle. Moi, j'ai aussi des élèves dans la même école que Brigitte, l'école Claude Mathieu, où j'ai été élève, moi. Et nous, on fait du travail face caméra pour qu'ils apprennent à préparer leur casting, à travailler face caméra, parce que c'est différent du théâtre. Mm. Et je leur fais travailler sur une méthode qui est plutôt américaine, qui est Stella Adler, tout ça, qui est t'as des 50 questions pour travailler ton personnage. Et je leur dis, mais voilà, il faut que le personnage que vous construisiez, même quand vous avez trois phrases dans un film, il soit aussi concret pour vous que votre propre vie, donc pour que vous sachiez quand est-ce que votre personnage il a eu son premier baiser, prénom des grands-parents. Il faut que tu connaisses le profil, la vie de ton personnage, même dans trois phrases. Et dans tous les détails. Mm. Et ça, c'est génial. Oui. Parce que ça développe l'imaginaire aussi. Oui, oui, oui. Oui, puis ça va chercher quelque chose en toi. Tu sais, c'est pas jouer n'importe quoi, dire, ah oui, c'est. Mais non, de toute façon, il faut toujours trouver les petits fils, hein, des liens entre ton histoire et. Mais c'est ce qui fait le comédien ordinaire avec le comédien très talentueux. C'est le travail aussi. Oui, oui, oui, c'est ça. Mais c'est de ne pas avoir l'air de travailler. C'est ça. Ça, c'est comme une gymnaste. Hein, elle sourit toujours, mais il y a du travail derrière. Oui, on dit ça des danseurs. Oui. Mais pour le diplôme d'état de prof de théâtre. Je sens qu'au niveau pédagogie, si tu veux, humainement, c'est hyper riche et que j'arrive à mes propres limites, moi, parce que c'était empirique ma façon d'enseigner. J'ai appris sur le tas parce qu'on m'a demandé. Donc j'ai envie d'aller plus loin, de retravailler aussi tout ce qui est culture théâtrale, prendre la pédagogie tu vois, dans les bouquins pour en faire après quelque chose, pour me nourrir et pouvoir aller plus loin encore avec mes élèves. Et qu'est-ce que tu fais avec le cinéma? Est-ce que tu as mis ça de côté ou j'ai mis un peu ça. Alors j'ai mis ça de côté, mais pas vraiment par choix, donc je ne lâche pas l'affaire. Mais en fait, comme j'ai plus d'agent depuis quelques années, parce que mon agent elle a mis la clé sous la porte, comme plein d'agents, Mais pourquoi tu... Mais il y a tellement d'agents, pourquoi tu n'as pas... J'ai frappé à d'autres portes, ça n'a pas collé. Et puis je me suis dit, bon, bah, si ça ne veut pas prendre, c'est que c'est pas par là que ça se fera. Okay. Donc, Alors c'est toi qui gères tes choses? Ouais, alors les copains casting qui me connaissent, ils m'appellent directement, donc je tourne de temps en temps. Je tournais beaucoup, beaucoup à une époque, donc c'est vrai que je tourne plus et que j'aime bien ça. Okay. Et là, on a le projet dans la compagnie. Là, mais tu jouais dans des courts, des longs, des moyens-métrages? J'ai fait beaucoup de séries télé pour ados. Okay. Ça, c'était vraiment pas fait exprès, hein, c'était pas fait. Okay. Et j'ai fait plein de guests sur des séries, puis j'ai fait 3 longs-métrages et pas mal de courts-métrages, et il y a eu des très, très beaux trucs. Là. Okay. Et qu'est-ce que... Pour, là, tu l'as mis de côté parce qu'il n'y a plus d'agents qui s'occupent de ça, donc tu sais pas ce qui se passe non plus. Moi, je sais très très bien vendre les autres. Ouais. Me vendre moi, c'est compliqué. Ok, ben bah oui, bah oui, là, t'es trop proche de toi. Okay. Négocier pour les autres, je me rends compte que je sais bien faire, vraiment. Okay. Je mets plein de gens en contact quand il y a des plans, je le fais, mais tu vois, il peut y avoir des annonces, je me dis même pas, tiens, ça pourrait être pour moi. Tu vois, il y a un truc là-dedans qui n'est pas... Donc, je vis ma vie. On a le projet de faire un court-métrage dans la compagnie avec Brigitte, oui, les autres personnes de la compagnie. On est en train de chercher un scénariste, un réalisateur, et on va se faire un truc à nous. C'est bien. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Est-ce que tu es une fille de groupe? Est-ce que tu es une fille de clan? Tu te sens plus à l'aise? Non, mais ouais, équipe, ouais, vachement. Ouais, c'est ça. De bosser avec, Alors, en plus, il y a des équipes très solides. Moi, j'ai plusieurs familles de cœur, tu vois, des familles d'enfance. Oui, ben elle aussi a parlé de ça. Ben oui, mais en plus, nous, c'est, l'émulation du groupe, elle est hyper importante. Parce que c'est riche. Oui, on n'est pas dans un truc de on n'a jamais cherché un truc de starisation. Et voilà, vraiment, c'est ça. Dans un truc de tout. Exact. Le directeur de notre école, Claude Mathieu, il est vachement dans quelque chose de troupe. Et tous les gens qui sortent de cette école font des compagnies, tu vois. Oui. Les compagnies bossent ensemble. Mais c'est-tu déjà préparé ou tout est fait? Oh là là, le spectacle il tourne depuis septembre. Okay, il est bien rodé, mais alors on travaille toujours, mais pour le plaisir. Ouais. Humainement, là, c'est une expérience géniale. Est-ce que c'est une salle intéressante, 100, 150 personnes? Non, c'est beaucoup plus petit. De toute façon, c'est un seul en scène, donc c'est intéressant d'être dans un truc plus intimiste. Okay. Donc là, ils jouent à Les Saillons, la salle est superbe, c'est une petite salle toute en pierre, justement, si on parlait des vieilles pierres. Est-ce qu'on peut parler de guichet fermé à Avignon? Ou c'est rare. C'est les gens qui passent qui vont au théâtre ou. Mais je sais pas, je peux pas te dire. En plus, je me suis pas du tout posé là. Je me suis posé aucune question sur l'avenir. Et c'est quoi ces 20 soirées? Là, il y a un soir de relâche par semaine pour tout le monde, hein, c'est obligatoire maintenant dans les théâtres. Ben là, j'espère. Hein. Donc c'est du 7 au 30, et t'enlèves 3 dates, ouais, ça doit faire 21 représentations. C'est ça, plein de fois. C'est 20 toi? Non, mais parce que j'ai plein d'amis qui vont à Avignon, puis ils m'ont dit que c'est 20 soirs. Ouais, c'est ça, c'est 20 soirs. Mais non, j'y vais pas parce que c'est d'un, c'est une foire, puis de deux, tu peux rencontrer personne. Oui, il y a trop de monde. C'est la folie furieuse. Hein, c'est ça. Et la vie de cet endroit-là n'est vivable qu'à cet instant-là, parce qu'après ça, c'est mort. C'est ça, bien sûr. Avignon, c'est comme Cannes, hein? Cannes, ben ouais. Quand tu vas pas pendant ce festival, c'est... Mais c'est ça, mais est-ce que tu trouves que ça reste encore un magasin où les gens vont là pour se ruiner. J'ai croisé quelques personnes qui effectivement prennent leur carte et vont voir 3-4 spectacles par jour. Non, mais le comédien qui... Ah, les comédiens, ah ben oui. Tu sais, qui souvent va louer la salle. Mais oui, mais de toute façon, à Avignon, tu te ruines d'office. Ben oui. C'est très rare que tu puisses rentrer dans tes frais. Et le but, c'est qu'il y ait des diffuseurs qui achètent ton spectacle et qu'ils fassent tourner après. Mais ça, c'est le rêve de tout le monde. Mais c'est très tôt. C'est un peu comme le comédien qui va dans une école. Il y a quoi, 5% des chances que ça... Ouais. Mais je t'avoue que là, curieusement, sur ce spectacle, j'ai bon espoir. Okay. C'est vraiment un truc qui prend très bien, qui est super bien, qui touche plein de gens, parce que Hugo, il est au programme aussi des collégiens. Okay. Et donc, c'est un spectacle, dès que tu as 11-12 ans, tu peux le voir sans problème. Ah, c'est intéressant. Ça captive tout le monde, Les Misérables, tout le monde l'a lu ou a entendu parler de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire collective. Ouais. Française, quoi, et même au-delà de ça. Ouais. Les Chinois, ils sont fans d'Hugo, enfin, il y a plein de gens qui sont fans d'Hugo. Mm-hmm. Donc ça peut vraiment toucher un public large, et les gens qui ont soit lu Les Misérables, soit pas lu Les Misérables, sont ravis de venir. Oui, oui, parce que pour eux, c'est... Mais surtout que le langage utilisé est encore tellement vrai, tellement... Et puis il est tellement accessible. Beau. Oui, oui, oui. C'est un vrai langage français avec une poésie, un vrai vocabulaire. C'est magnifique d'entendre dire. C'est beau, riche. Cette langue-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez fait des tournées? Est-ce que c'est une pièce qui... Non, la pièce, elle a existé pour l'instant sur Paris. On a fait quelques dates en banlieue et en province déjà, mine de rien. Il y en a déjà d'autres qui sont annoncées parce que les programmateurs qui sont venus à Paris ont vraiment beaucoup aimé. Okay. Elle prend de l'ampleur, tu vois. On a eu deux nominations au Petit Molière. Ouais, ça c'est bien, hein. Ça c'est flatteur. Ouais, ouais, ça... D'avoir une nomination, c'est quand même assez difficile. Parce qu'il y a tellement de thé. Non, vas-y. Ah oui, c'est OK, voilà. Il y en a deux pour un seul en scène, donc c'est surprenant. Mais même si tu n'as pas gagné, c'est pas important. Juste oui, le fait déjà, d'être. Mais oui, c'est une nominé, visibilité, c'est... si tu veux, qui est énorme. Donc, mais comment on fait pour être nominé? Ben, il faut que le théâtre dans lequel tu es programmé, si tu veux déjà, soit dans le processus des Petits Molières. Okay. Et qu'après, les gens qui viennent voir le spectacle votent pour ton spectacle. Mais la différence entre un Molière et un Petit Molière, c'est quoi? Alors, les Molières, c'est pour les théâtres privés subventionnés et les théâtres subventionnés publics. Les théâtres privés subventionnés, ils ont une association. Et les théâtres privés subventionnés, c'est les grosses salles de cinéma privé, ouais. Tu vois. Okay. Les théâtres de la rue de la Gaîté, le théâtre de Poche, il y a des théâtres aux Abbesses qui sont subventionnés, toutes les petites salles en fait oui. Qui sont privées, non subventionnées. Et ça c'est les Petits Molières. Voilà, c'est les petits. Elles se sont regroupées il y a quelques années pour faire les Petits Molières pour dire mais nous aussi on veut. Mais est-ce que c'est offert durant les Molières? Non, les Petits Molières ont lieu en novembre ou en décembre. Okay. C'est quoi, c'est une soirée? Ouais. Mais qui n'est pas télédiffusée? Non, c'est pas télédiffusé, okay, mais même les gens... Molières, t'as vu, il y a eu des problèmes sur la télédiffusion. Oui, oui. Mais les gens vont voir ça comme un spectacle et on remet des prix, ou si c'est le milieu? Je crois que c'est le milieu. Moi, okay. j'ai pas pu assister parce que comme justement, c'est des petites salles à chaque fois où il y a que des nominés qui viennent, l'année dernière, je voulais y aller pour voir et j'ai pas pu. Ah, ok, vois, c'est trop... Ouais. Ben, la demande est trop forte. Ouais. Ouais, ouais. Et as-tu beaucoup de projets? Ben oui, j'ai mon spectacle pour enfants, Bunka, qui tourne beaucoup dans les écoles et qui marche très bien, qui devrait partir à Mayotte, si tout va bien, pour qu'on bosse avec des enfants des rues, okay. Avec une association qui s'appelle le Village d'Eva, qui travaille avec des gamins des rues, beaucoup de réfugiés des Comores. Ah, c'est bien ça. Donc là, on rejoint tout le problème des réfugiés syriens, parce que c'est le même souci. Hein. Ouais. Des gamins qui arrivent dans les bateaux, avec des familles, c'est très très chaud. Donc le projet, c'est de bosser avec 300 gamins, et autour du spectacle, de leur faire dessiner, découvrir le spectacle. monter une pièce avec eux. Et est-ce que la langue est un obstacle? Alors, la langue n'est pas un obstacle, mais surtout, ce qui est absolument génial, c'est qu'ils n'ont pas de langue écrite là-bas. Okay. Donc c'est une transmission orale. Donc ça, c'est un truc qui me fascine. Alors comment tu fonctionnes? Ben, y a un traducteur qui est là pour traduire du français au maoré. C'est les maorais. Et puis il y a les gamins qui parlent les autres langues, mais qui sont assez proches, ils sont tous cousins. Je pense. Donc oui, c'est une barrière, mais c'est pas une barrière. Parce qu'il y a les expressions du visage, parce qu'on peut dessiner, parce que... Voilà, puis aussi la communication. Non-verbal, ça va être... voilà, si on part, ça va être extraordinaire, je rêve qu'on y aille. Mais ça, as-tu déjà fait des pièces as-tu joué dans une autre langue? Non, as-tu présenté une pièce francophone dans une autre... ailleurs que... Non, moi j'ai tourné en anglais, j'ai travaillé en anglais, qui n'était pas ma langue maternelle, donc ça c'est vachement intéressant, j'adore ça. Non, j'ai assisté à un truc sublimissime, il y a quelques années à Lille, au Théâtre de la Métaphore, quand Daniel Mesguich était directeur, il y avait un festival international de théâtre, je crois, et il y avait une pièce, il y avait une troupe israélo-palestinienne qui présentait Roméo et Juliette. C'est un de mes plus beaux souvenirs de théâtre, parce qu'on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Alors c'était sur-titré, hein. Oh oui, mais c'est comme on fait, on a un festival à Québec, hein? Puis des pièces qui sont pas francophones sont sous-titrées. C'est sublime ce qui se passe, parce que tu reçois au-delà de la langue, quoi. Et des fois, tu abandonnes les sous-titres, oui, parce que tu veux rien savoir, moi je veux rien savoir de ce qui était. Tu veux juste recevoir ce qui se passe. Et je trouve que c'est hyper puissant, c'est souvent plus puissant. Ah oui, mais Charles de Poule vient quand même, hein. Complètement. Oui, parce que tu... C'est toi qui vibres avec le comédien et avec la pièce de théâtre, donc... Il y a une osmose et une... Parce que lire, tu perds. Ouais, complètement. Tu perds ce qui se passe sur scène. Donc là, tu te dis... Au début, tu commences à lire. Ouais, après ça, tu abandonnes. Tu dis non. On connaît Roméo et Juliette, hein? C'est ça. Alors on se lance, puis on... Mais c'est le jeu des comédiens. Ça peut être extraordinaire. Oui. Et pour l'avenir, je dois te souhaiter... 3 points de suspension. Ouais, du travail, du cinéma. Du travail, mais tu sais que dans le bonheur, qu'avec des gens, enfin que, c'est jamais non, possible. Ouais. J'ai de plus en plus envie de bosser en harmonie avec... Toujours avec la troupe, une troupe. Ouais, une troupe ou différentes troupes, tu vois, mais ouais. Si je vous ai bien compris,